départ. Hey, salut, c'est I Hate Music, l'émission en podcast 100% DIY et 100% fait maison. On revient en ce début de mois avec une invitée, Victoria. Salut Victoria. Hello. Hello. On va présenter les titres en commun et voilà, petite playlist super sympa. Donc voilà. Bah, merci en tout cas de m'avoir invitée. Bah, avec grand plaisir. Est-ce que tu aurais envie de te présenter un peu? Oui, je peux me présenter vite fait parce que je pense pas non plus être giga connue. Je suis guitariste et je chante aussi, notamment donc dans Maribel, aussi dans Catisfaction. Donc là, je fais guitare et chant. J'ai un autre projet aussi qui s'appelle Ono et Diva, qui est un groupe de reprise de Divo. Yeah. Et j'ai aussi un autre projet qui est pour le moment un peu entre parenthèses, mais qui va bientôt reprendre, qui s'appelle Big Agendas. Voilà, avec Julie qui joue aussi dans Big Part, avec qui je joue aussi dans Satisfaction, et avec qui on a une asso qui s'appelle Salut les Ziggettes, dont j'imagine on pourra yes. parler un peu plus amplement tout à l'heure. Mais carrément. Et voilà. Bah super. Et tu fais aussi un blog, justement, qui parle de vinyle et tout ça. Ouais, c'est un blog qui s'appelle Home is where the record player is. Yes. Que j'ai maintenant depuis 4 ans. J'ai créé en 2017. Et en fait, c'est un blog du coup d'interviews. Donc j'interviewe des gens qui sont passionnés de musique. Et pour qu'ils parlent de leur disque, de leur rapport à la musique comment ils ont un peu créé leur collection de vinyles ou de cassettes ou de CD, peu importe, mais c'est pas forcément d'être un gros digger ou d'avoir une collection avec des trucs rares, mais juste vraiment de parler de son rapport à la musique et à l'objet, la musique est enregistrée. C'est un blog passion, quoi. Ouais, complètement. C'est plus un truc de nerd, on va dire. Donc, parfois, j'interviewe des gens qui me parlent de ce type de musique que je connais absolument pas. Et justement, je trouve ça passionnant, quoi. Mmh. Voir à quel point, même dans plein de styles différents, on a tous un peu ce côté geek par moment. Mais ouais, carrément, mais c'est ça qui m'intéresse aussi dans le fait de t'inviter, c'est que je sais que toi, quand tu parles aussi des Scott que t'aimes bien, justement, tu parles aussi de groupes qui sont plus indés, moi, que ce que j'écoute, et du coup, je connais vachement moins, et du coup, justement, je trouve ça génial aussi d'échanger avec les gens qui te sortent un peu de ta zone de confort musical et puis qui te montrent plein de nouveaux trucs parce que en fait le champ est tellement large et il y a tellement de groupes en fait qu'on n'aura jamais assez d'une vie pour tout connaître. Donc, Non, c'est clair et c'est très frustrant d'ailleurs. Ah ouais, je sais pas. Moi je trouve ça excitant. Justement, j'écoute plein de styles de musique hyper variés et du coup j'ai l'impression de pas creuser suffisamment dans tous les styles quoi. J'ai l'impression d'avoir une connaissance un peu superficielle de la musique que j'écoute. Mais bon, je me dis que c'est déjà pas mal. Chacun fait comme il peut. Ouais, et puis ça se trouve dans 5 ans en fait, t'as réussi à avancer plus là-dessus et à trouver qu'il y a peut-être pas assez de trucs et après tu bloques et après tu retrouves un nouveau style ou une nouvelle scène ou une nouvelle ville où il y a tout un panel de groupes hyper cool et où tu creuses encore. Ouais, carrément. Et ben, on va peut-être commencer la playlist musicale du coup pour présenter tout ça. Yes, allez go. Yes, alors on va commencer tout d'abord la playlist musicale, premier tercé avec la Repka. C'est un groupe qui nous vient d'Espagne, je ne sais pas de quelle ville exactement. Mais c'est sorti sur Producciones to Danzas. Voilà, ils nous sortent un 7 pouces qui s'appelle Same. Voilà, c'est sorti là il y a quelques mois. Voilà, vraiment super EP. Et on va s'écouter un premier titre qui s'appelle Orwell. Et ben ensuite, on va écouter un morceau de Maribel. Du coup, parce qu'on vient de sortir un album en fait il y a quelques semaines. Yes, très bon album d'ailleurs. Félicitations. Merci. Donc l'album s'appelle Bellatrix Boadicea. C'est sorti donc sur Destructure. Donc l'album français, album DIY qu'on ne présente plus. Bon, ah, oui, on en a passé pas mal à l'émission, des albums sortis sur des structures. Et il était même venu à l'émission, on l'avait interviewé il y a quelques années. C'est dans les podcasts, si vous avez envie de chercher. Et le morceau que j'ai sélectionné s'appelle « Dog on a Leash ». Yes, super cool. Voilà. Bon bah très bien, et puis on parlera, une fois qu'on aura passé les morceaux, on parlera un petit peu plus du LP si tu veux bien. Si t'as quelques mots à dire là-dessus en plus, carrément. Alors ensuite on va continuer du côté de Belgrade en Serbie avec un groupe qui s'appelle Absurd. C'est un excellent groupe qui existe déjà depuis quelques années, qui avait sorti une cassette et qui ressort tous les morceaux qu'ils ont fait en LP, enfin ils ont ressorti ça l'année dernière. C'est sorti sur le label Doomtown Records, qui sort pas mal de groupes de cette région-là d'Europe. On va s'écouter un excellent titre qui s'appelle Mucnina. On commence tout d'abord avec la Repka et Orwell. Let's go! We'll be right back. Yes, yes, yes, on vient de s'écouter Muchina de Absurd. Juste avant, on s'est écouté Dog on a Leash de Maribel. On est toujours avec Victoria, la guitariste du groupe. On va en parler un petit peu plus juste après. Et encore avant Maribel, on s'est écouté La Repka avec Orwell. Hey Victoria! Ouais! Yes, yes, yes! Donc, nouveau LP. Ouais. Donc, super, vous avez. En plus, vous avez des super critiques et tout. J'ai vu même que vous avez eu un article dans New Noise, c'est quand même la classe. Ouais, bah ouais, on est super, super fiers de ce disque. Mm. Du coup, en plus, c'est un gros album pour le coup, parce qu'on a quand même enregistré 14 titres. On a enregistré l'été dernier, donc au mois d'août. Un peu au milieu de la pandémie et c'était super important pour nous de continuer à faire de la musique et puis surtout de de garder une trace de tout ce qu'on avait fait avant puisque en fait on s'était arrêté de faire des concerts en 2019 justement pour se concentrer sur l'écriture de cet album. Mm-hmm. Et du coup quand la crise est arrivée et qu'on s'est retrouvé confinés en mars, c'était un peu. On était toutes bien deg. Ouais. Mais bon, on s'est pas laissé abattre. On a repris les répètes du coup en mai et on a continué de composer des nouveaux morceaux. Et du coup justement en se disant que il fallait profiter du moment où on était un peu déconfinés pour enregistrer. Ça c'était vraiment. En fait, sur l'album, il y a des morceaux qu'on a commencé à composer il y a 3 ans. Mm. Donc, qu'on jouait déjà même un peu en live et tout. Et je me voyais pas, du coup, passer tout le confinement sans aller au bout de cet album. C'était vraiment impensable, je pense, pour moi, enfin, pour les autres aussi. Donc, vraiment, ouais, contente d'avoir pu enregistrer et qu'il n'ait plus sorti là, même si, on attend avec impatience la reprise des concerts. Bah, évidemment. Mais c'est dingue, hein, comment la musique a continué à garder les pieds sur terre à pas mal de gens, en fait. Finalement, je pense que ça a vraiment sauvé pas mal de monde de faire de la musique ou en tout cas d'en écouter même. Faire les nerds chez toi et écouter plein de zik ou gratter ta guitare et puis faire de la compo ou enregistrer. Ouais. Donc là-dessus, c'est super chouette. Et c'est vrai qu'il fallait profiter de cette occasion pour pas se reposer sur ses lauriers, mais aussi pour pas perdre les acquis et puis continuer la vie, quoi. C'est vraiment aussi, les gens qui font de la musique, c'est un peu... C'est, même si t'es pas professionnel, c'est ta vie, quoi. Quand t'aimes la musique, c'est important. C'est clair, hein. Moi justement, le fait d'avoir un taf à côté, c'est la musique qui m'aide un peu à garder ma sanité, on va dire. Ouais. Le confinement, en fait, c'était vraiment dur, moi je trouve, les premières semaines, le fait de rester enfermé et tout. Et j'en ai profité pour mettre un peu corps et âme dans tous les projets artistiques divers et variés. Sans la dimension effectivement live et tout, qui est quand même super importante et super cathartique. Mm. Mais ouais, maintenant en tout cas avec le recul, je me rends compte que ça a été super bénéfique au final, en termes de création quoi. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu des thèmes de l'album du coup Vous avez dit beaucoup de choses en fait dans ce LP aussi. Ouais. C'est vrai qu'il y a plein... du coup, comme il y a 14 morceaux, il y a quand même des thématiques assez variées. Mais après, il y a toujours des thématiques qui reviennent, enfin, qui sont un peu le fil conducteur dans tous les disques de Maribel. Les relations un peu merdiques, amicales ou amoureuses. beaucoup de thèmes qui rejoignent le féminisme aussi. Ouais. D'ailleurs, le morceau que j'ai choisi, Dog on a Leash, en fait, c'est un morceau qui parle de charge mentale. C'est Alice qui a écrit les paroles, donc Alice est notre chanteuse. Le morceau se met un peu dans la peau de quelqu'un qui étouffe, se sent comme un chien qui est étranglé par son maître. Parce que voilà, il y a trop de choses à gérer et que c'est vraiment compliqué et un poids énorme pour beaucoup de femmes en fait de tout gérer dans les relations et donc il y a ces thématiques là. Après il y a des choses vachement plus légères aussi parce que qu'on aime bien aussi, enfin, je sais pas, dans Maribel, il y a un côté un peu parfois enfantin et léger, et notamment un des morceaux qui s'appelle Minimoy, et oui. qui parle du fait de, voilà, de se prendre genre, juste une énorme cuite et de regretter le lendemain parce que tu fais que vomir et être trop mal, et qu'en même temps, à chaque fois, tu recommences. Et que c'est toujours les mêmes cuites qui s'enchaînent. La question sans fin. Ouais, voilà. Et on a aussi un morceau qui s'appelle Catopéa. Mmh. Je crois que tu avais passé voilà. dans l'émission. J'ai passé celle-là, Cat Opera, et j'ai passé Rapist Behind the Scene aussi. Ouais. Mmh. Bah alors, ouais, alors, du coup, Cat Opera, c'est vraiment bah, comme son nom l'indique, un opéra pour chat. En fait, du coup, c'est Alice qui serait dans la peau d'une meuf qui se transforme en chat, quoi, mmh. au contact de son chat. Mais vraiment il est super cool ce morceau et super agréable à jouer parce que quand on l'a composé on a vraiment essayé de se mettre dans la peau de chat de la musique donc c'était assez fun à composer et à jouer aussi mm. et ouais Rapist Behind the Scene du coup c'était le morceau qu'on avait sorti en premier bah, un peu comme en première de l'album quoi. Et on avait choisi ce titre-là parce qu'on voulait justement une thématique un peu politique et un peu coup de poing dans la gueule, quoi. Et les paroles, bah, du coup, comme le nom l'indique, ça parle bah, des violeurs qui sont dans la scène bien protégés, en fait, par leurs potes. Et ouais. c'est... Ouais. On connaît. Ouais, voilà. Ouais. Et voilà, bah moi, c'est moi qui avais écrit les paroles de celui-là, et c'est vraiment un truc, enfin, un sujet qui me tient à cœur et qui me fait bien la rage, quoi. Et, et je trouve ça dingue que dans la scène bah, DIY punk, qui est quand même censée être une scène avec bah, pas mal de, voilà, de questionnements, de remises en question, et puis des gens qui se disent intègres et conscient des problèmes que peuvent rencontrer tout le monde, les victimes, etc. Et de voir que, bah non, il y a encore de l'omerta, de la complaisance. Voilà. Mm. Moi, perso, ça me fout bien la haine. Ben ouais, moi, c'est un morceau qui m'a parlé beaucoup et que j'étais très contente que vous sortiez parce que c'est pareil, quand on voit aussi... toi, quand t'arrives des choses, ou même à tes copines aussi, et que là tu te rends compte bah, que tu te prends une vieille claque dans la gueule, et que tu pensais être dans un milieu où finalement t'étais protégé, que tu l'es pas du tout, et que finalement t'as toujours pas les mêmes droits que les autres, et que t'as pas le droit d'ouvrir ta gueule, et que bah, quand on t'emmerde, et que tu le dis haut et fort, on te traite de relou parce que tu gueules plus fort que les autres, et ainsi de suite. Alors que bah, y a eu un truc injuste, et que bah non, bah, c'est n'importe qui en fait, c'est pas normal, tu te laisses pas marcher sur les pieds, et puis prends la ligne quoi. Fin... C'est ça, non, puis il y a toujours aussi cette espèce de question de ne pas faire de vagues. Mm. C'est, ouais, limite, il faudrait ouais, continuer à fermer sa gueule, en parler que en privé et pas en faire état sur la place publique. Ben, parce que c'est des choses qui sont encore taboues, y compris dans nos scènes. Et, mm. Moi, je trouve que c'est important d'en parler. Et voilà, bah, j'espère en tout cas que... Enfin, je sais qu'il y a des gros mouvements de libération de la parole dans la musique, pas forcément que dans la scène punk d'ailleurs, mais je pense au compte Instagram Musique Tout. Ok, je la connais, je suis pas du tout sur. Je suis un petit peu sur les réseaux sociaux, mais très vite fait, c'est pas du tout mon fort. En fait, ils font vraiment un boulot remarquable, quoi, parce que, ils ont lancé leur compte il y a quelques mois et ils ont fait vraiment un travail de recensement, de témoignages. Mm. Donc toutes scènes confondues quoi, donc, ça va vraiment des milieux de niche à une scène bah, musique actuelle, tu vois, grand public. Et en fait, en recoupant les témoignages, ils ont monté des dossiers qui sont ensuite parus dans les médias et qu'on fait un peu des vagues quoi. Donc moi je trouve ça super chouette quoi, de se dire que bah, en tant que victime, t'as quand même... la possibilité de dénoncer certaines choses et d'être protégé aussi par ton anonymat et par aussi le fait que bah, y a d'autres personnes qui peuvent témoigner et qui ont vécu des choses similaires à toi et te sentir moins seule quoi, dans ton vécu traumatique. Moi, je pense que ça, c'est super important parce que bah, malheureusement, quand tu es victime d'agression sexuelle, de viol ou de sexisme, le truc qui revient le plus souvent quand même, c'est que les gens se sentent seuls et isolés. Bah, complètement, ouais. Ouais. C'est clair. Ouais. Et là, ça donne du poids et ça. Et je trouve ça bah, plutôt. Enfin, je trouve que c'est plutôt une évolution positive. Après, ouais. L'évolution d'après, ce serait qu'il y ait vraiment une grosse remise en question de tout le monde dans la scène à ce niveau-là pour que ça n'arrive plus, quoi. Mais... Bah écoute, si ça arrive, en tout cas, ce sera bah, grâce à des gens justement qui font des music too, grâce à bah, des gens comme vous avez fait, qui écrivent des morceaux et qui en parlent, parce que je trouve que c'est hyper important justement pour prendre conscience, bah, comme tu disais, que, de pas être seul, et puis que bah, si un rebelle par exemple, c'est quand même un groupe où c'est majoritairement des femmes, donc c'est important de se dire, elles ont porté la voix pour nous, et du coup, bah, peut-être que ça a donné de la force à des personnes. Et j'imagine que ça doit faire ça à pas mal de gens, donc super chouette, quoi. Bah ouais, je trouve qu'on est, enfin, moi j'estime avoir une responsabilité en tant que musicienne, quoi. Déjà, dans le fait de montrer que c'est possible d'être une meuf et de faire de la musique. Ouais. Et aussi que, voilà, on peut parler de sujets... sujet un peu plus grave aussi, et qu'on a une voix pour ça, et qu'on devrait entendre la parole de toutes les victimes justement là-dessus. Ouais, carrément. Voilà, vive l'empowerment. Exactement. Et justement, par rapport aux femmes dans la scène, tu fais avec Julie, on en reparlera tout à l'heure, mais tu fais un atelier justement qui accompagne et qui soutient les meufs justement à commencer à faire de la musique ou à avancer un peu plus dans la musique quand elles sont un peu plus novices. Donc on en parlera un petit peu après, c'est une super initiative et j'espère bien faire un atelier un de ces quatre quand ce sera possible. Ah bah ouais, moi aussi. Bah carrément. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur le LP peut-être? Écoute, là j'ai rien tout de suite qui me vient en tête. Ouais, moi je voudrais faire un bisou à Alice. Et je voudrais dire que vous avez de la chance parce que vous avez la meilleure chanteuse de punk de France quand même. Ah bah ça, ouais, on ne le dira pas assez. Bisous. En fait, tiens, j'ai un truc à dire. C'est que là on est en train de. Je sais pas si c'est des trucs qui se racontent avant que le truc soit sorti, mais on est en plein tournage de clips. Oh, oh. Un morceau d'album. Ouais. Et c'est trop excitant parce que c'est pas la première fois qu'on fait un clip. Mais là, c'est un clip assez ambitieux avec une copine, du coup, à nous, qui est performeuse et qui fait beaucoup de choses avec le feu. Et du coup, c'est super... c'est trop grisant parce que du coup on apprend plein de choses, on a appris à manier du feu, à faire des transferts de feu sur la peau, etc. Waouh. Et ouais, moi je me sens, en fait c'était à la fois effrayant avant parce que elle nous avait fait tout un training avec plein de mises en garde et tout, mais là maintenant on en est à la troisième session de clip et je sais pas, j'ai l'impression moi de m'être découvert une nouvelle passion avec les performances, quoi. Ouais, voilà. Peut-être que dans 2 ans, je deviendrai cracheuse de feu, on sait pas. Musicienne cracheuse de feu, ouais. Ouais, c'est enfer, vous. C'est un peu too much, mais... Vous allez faire un groupe à la Rammstein à la fin. Ouais, avec de la pyrotechnie. Alice, elle va lancer des arcs de feu et tout. Elle va viser tous les mecs qui ont été relous et qui ont dit de la merde et qui ont fait de la merde. Allez, tiens, un groupe de feu dans ta gueule. Bam, allez. Comme dans Dragon Ball. Allez. Carrément. Bah, bien hâte de voir ça, en tout cas. On fera suivre le clip avec la page de l'émission. Yes. Alors, du coup, on va continuer la playlist musicale, si tu veux bien, avec un de tes morceaux que tu peux présenter. Yes. Alors, moi, j'ai choisi de passer un morceau de Mommy Long Legs. Je sais pas si tu connaissais ce groupe-là. Eh ben, pas du tout. J'avoue que dans les groupes que tu as mis, je connaissais pas tout. Eh ben, en fait, c'est un groupe de... Je voulais absolument passer à un groupe qui vient de Seattle, dans l'état de Washington, puisque, en fait, toute la scène Pacifique Northwest, donc c'est le nord-ouest des États-Unis, donc avec des villes comme Seattle, Olympia, Portland. Moi, c'est vraiment une de mes scènes... en tout cas au niveau géographique, parce que j'écoute plein de styles musicaux, pas forcément que du punk, etc., qui viennent de là-bas. Mm-hmm. Et c'est aussi le berceau de la scène Riot Girl. Ben ouais. Et du coup, donc, ce groupe, Mommy Long Legs, donc, elles viennent de Seattle. Et ce que j'adore, donc, c'est un groupe qui est de maintenant, quoi. Je crois que donc, le morceau que j'ai choisi, Sorority Girls, c'est sorti sur la cassette Life Freaks, qui est de 2015. Mm-hmm. Enfin, c'est quand même assez récent. Et je trouve que c'est vraiment l'héritage Riot Girl à fond. Donc avec à la fois un côté assez garage punk, parfois un peu chaotique, quoi. Avec un côté un peu touchant, tout n'est pas gigué en place, surtout sur leur premier titre. Et en même temps, il y a un côté hyper provoque, un peu second degré, donc avec des thématiques vraiment féministes. Et tout en ayant ce truc un peu léger et pas prise de tête du punk, quoi. Voilà. Ce morceau est en tout cas super cool, le refrain est super entêtant. Yes. Bon cool, merci du coup de nous faire découvrir tout ça. Moi je l'ai écouté et je l'ai trouvé assez chouette aussi. Donc. Et du coup on va enchaîner avec le groupe Soki de Melbourne. Donc c'est pareil en mode vas-y, fonce dans le tas. Et c'est une chanson que tu me disais que t'aurais bien passé aussi. Voilà. C'est trop drôle parce que si j'avais pas vu que t'avais mis ce morceau-là, je l'aurais mis, c'est sûr. Eh ben on est raccord. Et voilà, donc la chanson elle s'appelle Boys on Stage et elle dit qu'il y a beaucoup trop de mecs sur la scène et c'est vrai. Dans un sens, les meufs qui font de la musique, il y en a plein, mais il n'y en a pas tant que ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous faites des super ateliers, donc en limite, on en parlera juste après avoir passé les morceaux. Voilà, ce sera un très bon enchaînement. Et voilà, qu'elles en ont marre de voir tout le temps que des mecs, et voilà, et en plus c'est un groupe où je crois que c'est trois meufs et un mec, donc voilà quoi, et ça joue super bien, comme la plupart des groupes qu'on trouve en Australie actuellement. Soki, c'est un LPSM title qui est sorti l'année dernière sur La Vida es un Mousse. Du coup ils ont déjà sorti quelques trucs et ils sont revenus l'année dernière avec ce LPEP, je ne sais plus très bien. voilà, Soki. Et ensuite on va continuer avec un autre de tes titres. Ouais, on va écouter Kleenex, qui est un groupe post-punk, un des premiers groupes de post-punk féminin en fait. Donc, c'est fin années 70, début années 80. C'est un groupe suisse, il y avait vraiment une scène hyper prolifique en Suisse à cette époque-là. Ouais, carrément, ouais. Et le morceau que j'ai choisi c'est Heidi's Head. Du coup c'est un des premiers singles qu'elles ont sorti, c'était sorti sur Rough Trade à l'époque. Et moi je suis hyper fan de Kleenex. Mais vraiment quoi, enfin, c'est une amie à moi qui m'avait fait découvrir il y a plusieurs années et vraiment c'était le coup de foudre. Et c'est vraiment ce que j'adore, c'est qu'il y a un peu tout ce que j'aime des groupes féminins de l'époque, un peu type The Slits ou Raincoats. Il y a vraiment un côté hyper, hyper lo-fi et puis un peu gay et sautillant quoi. Ouais. C'est pas du post-punk triste. Et c'est marrant, quand j'ai écouté, j'ai trouvé que c'était super actuel, hein, Kleenex, avec ce morceau-là, par exemple, quoi. En fait, ce qui est marrant, c'est que, à la fois, je trouve que c'est bien teinté du son de l'époque, surtout début années 80, mm-hmm. et en même temps, maintenant, j'ai l'impression d'écouter plein de groupes qui font des trucs qui ressemblent à Kleenex. ça me fait vraiment bien plaisir, quoi. Que de toute manière, c'est clair que ce qui est passé de cette époque-là, ça reviendra pas. Mais bon, si on peut nous donner encore une petite satisfaction de nous en redonner un petit peu, on n'est pas contre. Ouais, exactement. C'est comme ça que... Juste, petite anecdote, c'est que du coup, à l'époque de ce morceau, le groupe s'appelait Kleenex. Et après, elles ont... en fait, il y a Kimberly Clark, la marque donc de papier toilette, mouchoir... etc., qui leur a mis un procès pour utilisation du mot Kleenex, et du coup, elles ont changé leur nom en Lilliput. Du coup, c'est marrant parce que, en fait, le procès leur a plus fait du buzz qu'autre chose, parce que aujourd'hui encore, tout le monde appelle Kleenex / Lilliput. Donc, je trouve ça assez drôle finalement que malgré le procès d'une grosse multinationales, le nom soit toujours resté et que les gens les connaissent sur ce nom-là. Yes, bah écoute, c'est ça le punk, hein, on va dire. Exactement, joli pied de nez punk. Et toc. Et on commence tout d'abord cette playlist avec Mommy Long Legs et Sorority Girls. I'll do whatever it takes to be a velvet girl. We'll be right back. yes. On vient de s'écouter Kleenex avec Heidi's Head. Juste avant, on s'est écouté Soaky avec Boys on Stage. Et encore avant, on s'est écouté Mommy Long Legs avec Sorority Girls. Et voilà, et on en est toujours avec Victoria. Et du coup, bah voilà, les morceaux où justement on parlait de Boys on Stage. On en a marre d'avoir que des mecs sur la scène. Et du coup, pour réagir à ça, toi, avec tes copines, t'as créé du coup un collectif pour encourager les meufs à faire de la musique. Yes, et bah ouais, parce que alors, du coup, c'était avec Julie, dont on a parlé un peu avant dans l'émission, qui joue aussi dans plein de groupes. Et en fait, quand on s'est rencontrés il y a quelques années, on discutait souvent du fait que bah ouais, on se sentait un peu seul en tant que meuf dans des groupes et que ça nous arrivait parfois de partir en tournée et de se retrouver que sur scène avec des mecs, quoi. Et on se disait, bah, qu'est-ce qu'on peut faire en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait un peu plus de meufs dans nos scènes, puisque parallèlement, on avait beaucoup de potes, beaucoup de meufs qui nous disaient qu'elles avaient trop envie de faire de la musique, mais qu'elles osaient pas, ou que c'était trop tard parce qu'elles étaient trop vieilles. C'est quelque chose aussi qui me parle particulièrement parce que j'ai commencé à me mettre à la guitare et à jouer dans des groupes un peu sur le tard, quoi, à 30 ans. Donc en fait, l'argument de « je suis trop vieille », je trouve qu'il n'est pas recevable. Ouais, mais c'est vrai que par rapport à la plupart de tes potes qui ont commencé à faire de la guitare à 15 ans parce que c'était normal de payer des cours de guitare petit ado... Alors que bah, des meufs dans les cours de guitare à l'époque, quand t'as 15 ans, en général, t'en vois pas beaucoup. Donc ça se faisait pas trop. Tout le monde connaît 50 mecs qui ont commencé à jouer de la guitare à 12 ans et malheureusement on connaît pas autant de meufs dans ce cas. On s'est vu plusieurs fois pour discuter de tout ça et à un moment on s'est dit peut-être que ce qu'il faut faire c'est prendre des potes à nous. Donc, on réfléchissait un peu à des copines qu'on avait qui nous disaient qu'elles avaient envie de faire de la musique et tout. Et en fait, un jour, on s'est dit, on poste un petit message sur Facebook. Et le message, c'était en gros, salut, là, on a un studio de répète pendant tout un week-end. Et on aura tous les instruments à dispo. Qui est dispo et qui a envie de faire de la musique avec nous? Yes. Et en fait... on avait juste vaguement réfléchi au truc, quoi, et finalement, donc, c'est comme ça qu'est né le premier atelier Salut l'étiquette. Et donc, on a eu 6 copines qui sont venues sur ce week-end, et donc, vraiment quelques copines proches, et puis après des copines de copines. Et le week-end était tellement magique, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'au bout de quelques heures, finalement, il y avait vraiment plein de trucs qui se débloquaient, quoi. Le principe des ateliers, en fait, maintenant, ça fait 3 ans que ça existe, donc on est un peu plus rodé au niveau du fonctionnement. Mais c'est que, normalement, une fois tous les 2 mois, bon, là, en ce moment, on est un peu... c'est un peu bloqué. Un peu ralenti par le contexte, on va dire, mais normalement, c'est une fois tous les 2 mois. On invite, du coup, 5 ou 6 personnes, des meufs, des personnes non-binaires, femmes trans à venir avec nous en studio pour faire de la musique sur tout un week-end. Et l'idée c'est que vraiment tout le monde passe sur tous les instruments pour justement un peu aussi casser ce truc d'idées reçues de le chant c'est pas mon truc, je chante pas une casserole, ou alors la batterie c'est pas pour moi, je sais pas taper, j'ai pas de force dans les bras, etc. Donc là on fait vraiment passer sur tous les instruments. Et en fait, c'est trop magique ce qui se passe, quoi. C'est qu'on se rend compte que la plupart des meufs, enfin vraiment même, quand je dis la plupart, c'est quasiment la totalité, quoi. En fait, elles se découvrent vraiment une passion pour un, voire plusieurs instruments. Et surtout, l'envie de faire de la musique en groupe et avec des copines ou des copains, quoi. Donc, c'est juste super cool. Et depuis qu'on a lancé le premier atelier, donc c'était en 2018, il y a quand même pas mal de groupes qui se sont formés. Mais oui, j'ai vu ça. D'ailleurs, on va en passer un plus tard dans la playlist. Yes, yes. Mais ouais, c'est ça qui est magique, c'est que en fait, ça a vraiment donné un élan. Donc, il y a à la fois des nanas qui ont monté un groupe avec d'autres copines qu'elles ont rencontrées dans les ateliers, mais aussi bah, des meufs qui ont fait de la musique avec des potes à elles, ou alors qui ont mis des annonces au sein de leur communauté, etc., et qui sont retrouvés à faire de la musique avec d'autres personnes. Je sais pas, je crois qu'il y a 7 ou 8 groupes maintenant qui se sont formés, peut-être même plus. Et il y en a quelques-uns qui ont enregistré. Donc c'est trop excitant, quoi. J'ai juste hâte justement que les concerts reprennent et de voir plein de concerts avec des nouveaux groupes avec plein de meufs, quoi. Bah ouais, carrément. Et c'est vrai que bah, par rapport à ce que tu disais, justement, quand bah, les gens ne sont pas encouragés, c'est vrai que quand tu... c'est un réflexe humain, quand on ne connaît pas quelque chose, en fait, d'en avoir un peu peur ou de ne pas savoir bah, comment l'appréhender, en fait. Donc, c'est super s'il y a un atelier qui peut justement faire, faire virer cette soupape, quoi. C'est juste. Puis le fait d'être avec des meufs, de toute manière, qui te montre que bah, y a pas de soucis, en fait, et que tu peux faire comme ci, comme ça. C'est le principe aussi de la non-mixité bah, qu'on a dans les ateliers. Ouais. C'est que bah, de se retrouver entre personnes qui ont des vécus similaires et qui sont libres d'en discuter. Mm. Et on ne dit pas on dit pas aux meufs qui font les ateliers d'étiquette qu'elles peuvent faire de la musique que avec des meufs. Parce que justement, enfin, moi je trouve que c'est chouette aussi de garder de la mixité quand tu le sens et que c'est ça aussi qui fait avancer les choses. Mais en tout cas, le temps d'un atelier pour briser des blocages, casser des idées reçues, bah, la non-mixité est super importante. Bah carrément. En tout cas, je trouve que c'est vraiment un facteur débloquant, quoi. Mmh. Bah on a encore une preuve de la fonctionnalité de la non-mixité, quoi, s'il y a des gens qui en doutaient encore, en fait, voilà. Mais il y a, ouais, malheureusement, il y a encore des gens qui en doutent. Ouais. Mais bon, voilà, c'est clair que les meufs musiciennes, elles savent très bien qu'il y a toujours un mec pour leur dire que leur réglage de pédale, il va pas bien, ou que tu l'as vécu aussi, hein, il me semble. Ouais. Et, ou des mecs qui te foirent le check comme au concert à Nantes. Je sais pas si tu te rappelles, là, le mec là, qui était condescendant à mort, qu'on a calmé vite fait. C'est clair, mais voilà, quand t'as pas un mec pour couper la parole toutes les deux secondes, bah c'est vachement plus facile d'avancer, en fait, et ça me paraît évident, voilà, quoi. Bah ouais, c'est clair. Et en fait, aussi, moi, ce que je me suis rendu compte, c'était... Enfin, quand on discutait avec Julie dans l'idée de monter les ateliers, avant même que ça se fasse, je me suis rendu compte que moi, et puis Julie, elle a un vécu un peu différent, mais finalement, se rejoint dans le mien, c'est qu'en fait, ce sont des gens de notre entourage qui nous ont encouragés à se mettre à la musique. Ouais. Et que moi, ça m'a tellement aidée et libérée. Et que, toute seule, je ne dis pas que je ne l'aurais pas fait, mais ça m'aurait pris encore plus de temps. Et justement, là, je me dis, bah, c'est bien, justement, ce truc de se dire, bah, en fait, ça suffit les conneries, là. Là, c'est maintenant qu'il faut le faire et il faut pas attendre 10 000 ans qu'il y ait une opportunité qui se présente, quoi. Il y a quelqu'un qui te tend la main, il bah, faut la prendre tout de suite et puis pas attendre 10 ans. Carrément. Moi, j'ai attendu mes 30 ans. Et pour les meufs qui doutent encore, la chanteuse de Poison Girls, elle a commencé à 40 ans sa carrière. Et avant qu'elle décède, il y a quelques années, elle faisait encore des concerts avec son groupe. Et c'était vraiment une mamie, quoi. On aurait dit la reine d'Angleterre, presque. Donc, voilà. Ouais, alors, faut se décomplexer du truc par rapport à l'âge, je pense. Parce que, effectivement, alors si on se compare aux autres, on trouvera toujours, bah, comme je disais tout à l'heure, des mecs qui ont commencé à jouer de la guitare à 12 ans dans leur chambre. Et on trouvera toujours qu'on a 10 trains de retard par rapport à eux. Mais en même temps, bah, si tu tapes dans un moteur de recherche Late Bloomer, bah, tu te rends compte qu'il y a tout un tas d'artistes, et d'ailleurs, mecs comme meufs, hein, mais c'est souvent des femmes quand même qui sur le tard en fait sur le tard se découvrent un attrait pour de l'art de la création. Et ça, moi, je trouve ça juste magique, quoi. Il n'y a pas d'âge, en fait, pour commencer quelque chose de nouveau. Je pense que c'est aussi une idée reçue, ce truc de bah, t'apprends mieux quand t'es plus jeune. Je pense que bah, quand t'es plus jeune, t'es peut-être un peu plus malléable. Peut-être qu'il y a des choses qui rentrent un peu plus vite ou un peu plus facilement. Ouais, tu retiens mieux peut-être. Temps, moi, le sentiment que j'ai eu en commençant à 30 ans, c'est que ben, justement, j'étais tellement dans l'urgence d'apprendre les choses et de faire les choses rapidement, parce que je me disais, bah, déjà que j'ai commencé tard, il faut que je me mette vraiment à fond. Bah, ça donne une espèce de motivation que bah, je suis sûre si j'avais commencé à 15 ans, j'aurais pas eu la même. Ouais, mais c'est un beau témoignage, en tout cas, ce que tu nous racontes. Et puis, quoi, bah, franchement, on encourage à fond toutes les meufs à faire cet atelier. On mettra l'adresse internet quand on postera l'émission. Je dis « on », mais c'est moi, en fait, hein, à chaque fois. C'est l'émission et moi. Et c'est l'habitude, j'aurais eu l'habitude de faire l'émission avec des gens, donc j'ai du mal à retourner à en parler en solo. Et du coup, voilà, je mettrai les adresses bah, des groupes que tu fais et puis de l'atelier des étiquettes et de ton blog aussi, voilà, pour présenter ton travail, puis on pourra encourager les gens à faire plein de trucs aussi. Bah, du coup, je voulais juste rajouter un mot, c'est que là, on va reprendre des ateliers en juin. Et les inscriptions sont pas encore lancées, donc je peux pas vous donner une date exacte, mais il va y avoir des ateliers en région. Yes, yes. Donc, il y aura un atelier à Rennes, il y a un atelier à Lyon aussi qui est prévu, un atelier du côté de Brest aussi, et a priori aussi quelque chose pas très loin de Nantes. Donc voilà, ça, je pense que c'est surtout ça qui va t'intéresser. Eh ben super cool, bah, carrément, au plaisir de venir à un de vos ateliers. Et franchement, allez-y les meufs, foncez. Déjà, c'est des gens super cool. Et vous serez vraiment dans la bienveillance et dans la réalisation de votre plus beau rêve. C'est bon ce que tu dis. Oui, mais c'est vrai. Voilà, c'est ça la musique. Eh ben, trop bien, trop bien. Et puis, voilà, je suis morte de rire. Ça fait déjà une heure d'émission, donc en fait, je pense qu'on va faire, on va te dépasser largement, on va bien se faire plaisir, hein, bon, si tu es d'accord. Ouais, ouais. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression que je parle pas beaucoup, mais si, finalement, quand je suis lancée, c'était... Ben ouais. Mais en plus, t'as plein de choses intéressantes à dire, donc c'est hyper cool. On va continuer la playlist musicale avec Sniffany and the Needs. Donc c'est un groupe qui nous vient d'Angleterre, qui est vraiment bien marrant. Je dirais que c'est à comparer avec Emil and the Sniffers, mais version anglaise. Ils avaient sorti déjà une cassette et puis là ils reviennent avec un EP qui s'appelle Greatest Needs. Quelques titres, c'est sorti l'année dernière sur Swing Living Records. On va s'écouter un titre qui s'appelle Girl Factory. Bah justement un petit peu en écho avec le titre que t'as passé de Maribel. C'est pareil, la meuf elle dit qu'elle veut pas être esclave de son mec en fait, de son mari. Voilà, c'est des bonnes paroles. Et ensuite, tu vas nous passer... Donc, on reste en Angleterre, parce que du coup, j'ai choisi un titre du groupe qui s'appelle Good Frog, qui s'appelle Psycho Disco. C'est sorti donc, en 2014 sur plusieurs labels, donc White Denim, Superfly Records et Sabermetric. Leur album s'appelle très sobrement Fuck Off. Voilà, c'est des gens qui ne veulent pas trop faire chier. C'est voilà, les Anglais, hein. Les Anglais et le Fuck Off. Voilà. Alors, moi je suis hyper fan de ce groupe. Parce que, alors déjà, ce groupe, tous les membres de ce groupe, en fait, il y a une idée derrière que je trouve géniale. C'est que, en fait, ils ont monté ce groupe en se disant que chacun et chacune allait prendre un instrument avec lequel ils n'étaient pas du tout à l'aise. Yes. Justement pour faire quelque chose de nouveau. Donc, ça, je trouve ça trop bien et c'est trop dans la lignée un peu aussi de ce qu'on défend avec les étiquettes. Donc, ça me parle particulièrement. Et bah, dans ce groupe, il y a des personnes qu'on peut retrouver dans d'autres groupes anglais qui sont super cool. Donc il y a Ashley à la basse, qu'on peut trouver aussi au chant dans Fao. Il y a ce très bon groupe aussi. Le batteur aussi, Louis, qui aujourd'hui joue dans Fata Morgana, avec la chanteuse de Belgrado. Et à la guitare, c'est Bryony Bainon. Et en fait, son alias, c'est Bibi, et je sais pas si tu connais ce groupe, parce que maintenant, elle a déménagé en Australie, et elle a un groupe qui s'appelle Bibi and the Blips. Non, je connais super pas. Super cool. Bah, c'est vraiment... Je vais le noter. Super chouette, voilà, je te le recommande. J'hésitais entre un morceau de Bibi and the Blitz et Good Fab. Ça marche, c'est Good Fab. J'en passerai de ta part à la prochaine émission. pas de problème. Yes. Et ouais, moi c'est marrant parce que je connaissais le nom de ce groupe, mais je crois que j'avais jamais écouté. Tu vois, t'as des noms de groupes sur lesquels tu tombes souvent, où tu revois, et puis t'écoutes d'autres trucs parce que t'es sur d'autres recherches, et puis un jour ça ressort, il y a un pote qui te fait écouter, et là t'as « Oh mais c'était cool ça en fait !» Donc voilà, Good Throb. Et d'ailleurs le titre Psycho Disco, c'est aussi le titre d'un fanzine lyonnais qui est vraiment chouette, et que je vous invite à commander la prochaine fois qu'il y en a un qui sort. Ah bah cool, je ne connaissais pas. Ah, super cool, la glacérigraphie, ça parle de Zik, il y a des articles sur plein de trucs et tout, enfin c'est vraiment génial. Voilà, et puis avec une dose d'humour lyonnais qui, ma foi, n'est pas des plus mauvais, donc voilà. Très chouette. Yes. Je note. Cool, et ben on va continuer la playlist musicale avec un excellent groupe qui s'appelle Scene 34. C'est un groupe qui nous venait de LA, qui jouait dans les années 80. L'album s'appelle Do You Feel Safe et c'était sorti en 1983 sur Spinhead Records. Et voilà, c'est un groupe qui est plutôt punk années 80 avec des morceaux vraiment hardcore. Sachant que surtout à LA, il y a quand même pas mal de meufs. Mais les groupes qui jouaient un peu plus hardcore, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de mecs, quoi. Et cet album est quand même bien vénère, avec une petite chanteuse et tout. Je trouve ça assez chouette, et franchement aussi vénère que les groupes de hardcore qu'il y avait à l'époque à LA. Donc on va s'écouter le titre « Say We Suck » de Scene 34. On commence d'abord avec Sniffany and the Neats et Girl Factory. Let's go! Girls, what do you on vient de s'écouter Synth 34 avec Say We Suck. Juste avant, on s'écoutait Good Swerve avec Psycho Disco. Et encore avant, on s'écoutait Sniffany and the Neats et Girl Factory. Et on continue la playlist musicale avec un groupe dont tu voulais nous parler, Victoria. Ouais, j'ai choisi de passer My Dog the Bear. Yes. C'est un groupe du coup qui est avec Valentina qui a fait les ateliers des Icats justement. Mm-hmm. Elles ont enregistré un EP l'année dernière, du coup qui s'appelle Icy Vomit, que vous pouvez trouver sur Bandcamp. Et le morceau que j'ai choisi de passer s'appelle Late. Et du coup, je leur ai demandé un peu avant, j'essaie de me renseigner de quoi parler les paroles, parce que moi j'avais juste retenu une phrase, c'était Late for my period. Et du coup, j'avais l'impression que ça parlait un peu des règles et tout, etc. Pas du tout. Ça parle du fait de se sentir en retard dans la vie pour tout, d'être un peu perdu dans la dépression, genre tu sais pas ce que t'es, enfin tu sais ce que t'es censé faire mais t'arrives pas à le faire dans les temps. Alors ça parle de fait de voilà toujours un peu courir après sa vie et de jamais être dans les temps et ouais. Mais dans les temps pour sa vie quoi. Yes. Bon, c'est un thème de 2020-2021, ça, pour plein de gens. Exactement. Je crois. Yes, et ensuite on va continuer la playlist musicale avec The Niche. C'est un groupe allemand des années 80. Ils avaient sorti un LP qui s'appelle Made in Hell en 1980 sur Schmollmauer Records. Voilà, c'était un groupe qui était avec des gens des ex-KFC, si je ne dis pas de bêtises. On va s'écouter le titre Angeschlossen, c'est ça veut dire être enfermé. C'est un peu un titre qui est ressorti pendant le confinement. Du coup, voilà, je suis enfermé, tu es enfermé, nous sommes enfermés. Voilà, voilà, The Niche. Un peu dans la même thématique, du coup. Et du coup, le titre d'après, ce sera 9 Volts. Ouais. C'est un tout nouveau groupe. Une petite exclue. De Tours et d'Angers. Alors, yes. Dedans, on peut retrouver Croquette, avec qui je joue dans Satisfaction. Mm-hmm. Et aussi, donc, Béatrice, Marianne et Junior. Et donc là, ils viennent juste de sortir aujourd'hui leur démo. Ça va sortir en cassette chez Donnez-moi du feu. Et le morceau du coup qu'on va écouter, ça s'appelle Super Skate. Et en fait, ce morceau me fait bien marrer parce que en fait, le texte, enfin les paroles, ça a été repris d'un morceau de Rika Farai. D'accord. De 78. On reconnaît l'humour voilà. Des protagonistes. Ouais, exactement. Et en fait, ça m'a fait rire parce que en voyant le titre Super Skate, je me disais que ça aurait pu être une création originale aussi. Mais non, c'est une reprise de Rika Zaraï. Trop bien. Bah, on fait un bisou aux gens. Je vous invite. Ouais, j'invite tous les gens qui écoutent à aller écouter la démo que vous pouvez trouver sur Bandcamp, du coup, parce qu'elle est vraiment chouette. Et voilà. Cool. On commence tout d'abord avec My Dog's a Bear et Late. Never expecting Et on vient de s'écouter 9 volts avec Super Skate. Encore avant, on s'écoutait The Niche avec Angus Schlossen. Et encore avant, on s'écoutait My Dog's a Bear avec Late. Et c'est la dernière partie de l'émission. Émission accompagnée avec Victoria de Maribel, de plein de groupes, de plein d'initiatives. Et on mettra tous les liens. On postera l'émission pour que vous puissiez aller voir tout ça. Déjà, je voulais te dire merci beaucoup. De m'avoir accompagné. Merci. Voilà, bah avec grand plaisir, c'était super chouette de faire cet échange avec toi et de partager cette discussion et tous ces morceaux. Cool, et puis bah voilà, je te laisse présenter le dernier morceau de l'émission avant de nous quitter pour la fin. Ouais, et ben pour le dernier morceau, j'ai choisi Divo, qui est un de mes groupes préférés ever. Yes. Du coup, pour moi, c'est vraiment le groupe des précurseurs du soundpunk, quoi. Il y a énormément de groupes qu'on écoute aujourd'hui à l'heure actuelle qui sont influencés par Divo. Enfin, je pense que c'est indéniable. Je suis trop fière aujourd'hui d'avoir monté un groupe avec deux copines, donc du coup avec Marie et Margot, à qui je fais des énormes bisous, de reprises de Divo. Donc après, on ne fait pas des reprises en mode textbook, quoi. C'est vraiment plus des reprises en mode Google. Parfois on réinterprète, parfois on change un peu les paroles et tout. Mm-hmm. Et nous, donc, on a appelé notre projet Ono It Diva. Et on a enregistré au mois de janvier. Donc là, l'album est en train d'être mixé. C'est mixé par Nathanaël, qui joue dans Ella Atone, notamment groupe de Rouen, et à qui je fais un bisou aussi. On ne sait pas encore trop quand est-ce que ça va sortir, ni comment ça va sortir. Donc on verra bien. Mais en tout cas... On devrait bientôt faire des concerts, si tout va bien. On a eu des propositions pour jouer en juin, dans des festivals en Dordogne. Oh oh. Et ouais, franchement, c'est tellement excitant. Donc, je résume, en juin, tu fais des ateliers Ziquette et tu fais des concerts. Ouais. Voilà. Ouais, vivement l'été, quoi. Voilà, tout à fait. Bah, Et du coup, je veux juste dire un petit mot. Donc en fait, Marie, du coup, fait la batterie, qui fait la batterie dans Diva. Je veux juste dire un petit mot, c'est que elle a fait les ateliers d'Ezicat aussi. Elle a fait le deuxième atelier. Mm-hmm. Et elle s'est mise à la batterie directe et c'est vraiment la personne la plus bosseuse et motivée que je connaisse ever, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Parce trop que bien. Là, en 2 ans et demi, elle a vraiment un niveau de fou, quoi. Waouh. Elle est niaque. Ça donne envie. Moi je suis tellement fière de faire de la musique avec elle. Mm. Et voilà, donc trop contente que. Parce que c'est elle, en fait, qui est venue me proposer de faire un groupe de reprise de Divo. Et c'était un peu la meilleure idée du monde. Ah, mais grave. Voilà. Et en fait, Marie joue maintenant aussi dans Maribel, à la batterie. Donc. Voilà, je me retrouve avec deux groupes, avec cette personne qui est surmotivée et qui assure la niaque. Donc, je suis très contente. Voilà. Bah, trop cool, trop cool. Et puis, ça illustre bien aussi ce que tu disais. Voilà, quand t'es motivée, ça se fait tout seul, en fait. Ouais. Et puis bien hâte d'écouter ton nouveau groupe, et avec un nom bien rigolo, parce que Divo en Diva, je trouve ça absolument génial, en fait. Et voilà, pour une meuf féministe, c'est absolument logique d'appeler un groupe de reprise de Divo avec Diva dedans, mais voilà, fallait le faire, donc c'est fait. Exactement. Et du coup, j'ai choisi de passer Blockhead, parce que déjà, j'adore ce morceau, je trouve qu'il est vraiment... hyper proto-punk à souhait, quoi. Mm-hmm. Du coup, la version que j'ai choisie, parce qu'il y a plusieurs versions de ce morceau, c'est la version de 78, donc la toute première, qui est sur l'EP Mechanical Man, qui était sorti sur Elevator Records. C'est un de mes morceaux préférés du groupe, de toute façon. Donc, il n'est pas très connu par rapport à d'autres gros tubes. Je trouve que il gagne à être plus connu. Ben ouais, c'est pas toujours les titres les plus connus. Des fois, les petits morceaux cachés sont des petites perles à retrouver. Voilà. Bon, super cool. Et trop bien d'écouter ce morceau. Et puis, on vous dit au revoir là-dessus. Et encore merci Victoria. Merci à toi. Bisous. Et on est parti avec Devo.